le plus beau, ses chapeaux, et nous sommes comme deux jumeaux. Je suis peinture à chapeau, je fais des niches à chapeau, vivre avec